Chapitre 11e. Clotilde fut plongée dans un état léthargique tout le temps que dura le voyage. Elle tenait ses yeux constamment fermés, elle respirait faiblement, on sentait à peine les battements de son cœur. Edmond interrogeait le docteur et celui-ci lui disait « Ce calme est de bon augure. Ce n'est point la somnolence, c'est l'affaissement, c'est un repos de tout l'être après ces crises violentes qui l'ont tant fatigué. Le cerveau n'est point dérangé. C'est une inflammation partielle qu'on n'a pas prise à temps, mais nous en triompherons. Voyez, ses joues ne sont plus pourprées. Elles ont une teinte rosée qui est un signe de santé. » Edmond reprenait courage aux paroles du docteur. Il renaissait à la vie, aux espérances. Il regardait dans l'avenir. Le présent est si peu pour nous. Nous faisons si bon marché de la réalité. Et nous allons au-devant des chimères et des folles espérances. Rien ne peut satisfaire le cœur de l'homme. C'est pour cela que nous naissons, que nous vivons, que nous mourons sous l'empire de l'illusion. Ce que nous possédons n'est rien. Ce que nous possédons n'est comparable ni à nos rêves ni à nos désirs. Notre âme est trop grande pour la terre. Malebranche et d'autres philosophes ont cru que la vie était un songe. Ont-ils eu raison? Après plusieurs jours de route, on arriva au château du baron. « Ma vie dépend de ce moment, » disait Edmond au docteur. On transporta Clotilde sans lui parler, sans l'avertir, dans la chambre que le baron lui avait fait préparer. Elle avait les yeux fermés, et quand on l'eut déposée sur son lit, elle reposa sa tête comme une personne qui se dispose à dormir. « Si elle se réveille, dit le docteur, je lui donnerai quelques gouttes de potion calmante. Sinon, ne troublons pas son repos et attendons la crise de demain. » Le docteur et Julie passèrent la nuit dans la chambre de la malade, et Edmond et le baron veillèrent dans la pièce à côté. Le lendemain, le docteur et Julie se retirèrent tout doucement et le baron entra. Tout se passait d'après les ordres du docteur. Le baron s'assit auprès du lit de Clotilde et attendit son réveil. Clotilde enfin ouvrit les yeux et promena des regards étonnés sur tout ce qui l'entourait. Tout à coup, ses regards se fixent sur le baron. Elle soupire doucement et lui dit « Mon père, il me semble que j'ai dormi bien longtemps. » Puis des sanglots s'échappèrent de sa poitrine. « Mon père, » reprit Clotilde, « où est Edmond ? Tu vas le voir, cher enfant, mais calme-toi. Tu as dormi d'un sommeil agité, tu as besoin de repos. » Dieu était hier, il est aujourd'hui, il sera demain. Il punit et il récompense quand il lui plaît, parce qu'il a dans ses mains les trésors de l'éternité. Clotilde, comme par miracle, revint à la raison, non peu à peu, non graduellement, comme l'aurait pu faire espérer la science de la médecine, mais tout à coup. Le jour où elle revit les lieux où elle avait passé ses premières années, où elle avait reçu ses premières impressions de bonheur et de chagrin. Le souvenir précis, distinct de ce qu'elle avait senti autrefois, lui rendit l'intelligence. Je n'entreprendrai pas de dire le bonheur d'Edmond. Parmi les rares moments qui composent nos tristes journées, il y en a qui, par le charme dont ils sont revêtus, ne peuvent point se comparer aux autres. Quelquefois il se trouve un seul de ces instants dans toute une vie, et n'est-ce point assez pour avoir le droit de dire qu'on a vécu? Ne demandez plus rien à Dieu, à ce monde, à la nature, quand une seule fois toutes les cordes de votre âme ont vibré. Cette maison, naguère si triste, prit bientôt l'aspect de la joie, et pour que rien ne manquât à cette joie, Bronislas vint rejoindre ses amis. Peu de jours après son arrivée, il s'unit à Julie. Mais comme ses affaires de famille le rappelaient à Varsovie, il partit avec sa jeune épouse.